Lettre cinquième, du même au même. Rome, février 301. Tu me mandes que mon père a été malade, qu'il est convalescent, grâce au Dieu, qui conduise et dirige notre sort. J'aurais éprouvé un bien grand chagrin de ne pas le voir encore une fois, au dernier moment de sa vie, pour recevoir sa bénédiction et son pardon. Il est mon père et malgré tout ce qui nous sépare, la nature ne renonce jamais à ses droits. J'apprends donc avec joie sa guérison. Tu parais être surpris de ses manières pendant sa maladie, non pas moi. Sa philosophie est semblable à celle de bien des hommes de notre temps. Elle n'est point l'effet de ses principes, mais la suite de son aisance. Il a juré d'offrir un trépied au temple de Delphes et un coq à son médecin, lui qui envisageait les dieux et leur culte comme une absurdité, et seulement comme un moyen de retenir le peuple dans l'espérance et la crainte. Cet exemple aura des millions d'hommes pour imitateurs. C'est une preuve de la dépravation de ces temps. Ce qui était sacré pour nos ancêtres est foulé aux pieds, et l'on ne trouve rien pour le remplacer. Quelle que soit l'opinion du peuple pour les dieux, il faut la lui laisser tant qu'on n'a rien de mieux à lui offrir. L'éclair de lumière que les philosophes nous ont montré au milieu des ténèbres dont nous sommes environnés est bien quelque chose, mais trop peu pour l'esprit ardent qui voudrait étancher la soif dont il est dévoré. Une partie de mes chagrins est de me sentir dans cette obscurité. Je médite, je combats, je cherche, au point que mon imagination, mon intelligence sont fatiguées à mourir. Je tombe dans un vague désespérant. Je me dis qu'une foule de grands hommes de l'Antiquité ont passé leur vie à réfléchir sur ces objets, sans être plus savants que moi. Cette pensée jette mon âme dans un abattement léthargique jusqu'à ce que de nouveaux doutes reviennent la troubler. Si au moins une passion quelconque, un objet digne d'ambition, l'amour ou l'amitié, pouvait fixer ma volonté et lui donner une marche sûre, offrir à mon courage un but raisonnable. Toi qui me connais, qui me comprends, tu es loin de moi. Je suis seul ici. Tiridate est sans doute très aimable. Je crois même que si nous nous étions connus antérieurement, nous serions devenus amis. Ce qui nous sépare maintenant, ce qui empêche notre liaison intime, ne repose pas autant sur notre intérieur que sur les apparences extérieures, sur tout ce que l'homme chérit et estime le plus, sur tout ce qui est saint et sacré, nous pensons de même. Mais l'heureux fils d'un roi, accoutumé à la magnificence orientale de la cour de Dioclétien, en faveur auprès du César Galerius, élevé dans l'espoir de monter sur le trône de ses ancêtres, ne peut voir les hommes et la vie sous le même point de vue que le fils obscur d'un simple particulier. Les circonstances de notre vie, notre éducation nous ont placés dans des positions trop différentes pour devenir amis. Nous nous aimons beaucoup, mais ce n'est pas assez pour mon cœur. Le sien n'en saura être non plus satisfait, puisqu'il lui manque l'objet actuel de ses plus ardents désirs. Il aime Sulpicie, malheureuse, il est vrai, mais jusqu'ici vertueuse. J'apprends tous les jours à mieux connaître Calpurnie. À chaque instant, son caractère se développe sous le point de vue où je l'avais envisagé dès le premier moment. Elle n'est pas sans mérite, mais d'une légèreté incompréhensible. Le grand et le beau, ainsi que le ridicule et le commun, lui servent également de jouet lorsqu'elle est d'humeur à persifler. Continuellement en dispute, nous paraissons nous haïr. Cependant, je sais, à n'en pouvoir douter, que nous nous estimons réciproquement, mais sans jamais nous rapprocher. Tu voudrais que je cherchasse à me placer, ô Phocion. L'envie d'occuper un emploi honorable, en ce moment où tout est corruption, où les liens les plus sacrés sont détruits, ne peut naître que dans une âme vaine ou intéressée. L'amour de la patrie est un mot vide de sens. Travailler au bien général est une chimère lorsqu'on dépend de la volonté arbitraire d'un maître. Quel sera mon avenir? Sur quoi porter mes espérances, mon activité? Le présent est nul pour moi, et le passé n'existe plus. Mon enfance, ma première jeunesse, ont été flétries par les coups de l'adversité. Non, Phocion, je ne suis pas heureux. Je me sens accablé de mille peines. Et je suis forcé d'avouer que la source du malheur vient moins du sort que de moi-même. À ma place, des milliers d'hommes seraient contents, mais je porte en moi des principes, des idées, des prétentions qui ne vont plus avec ce qui m'entoure. Je suis en guerre continuelle avec la réalité qui ne se venge que trop de celui qui la dédaigne. Que dois-je faire? M'est-il possible de me métamorphoser? Ah, que le sort ne m'a-t-il accordé une portion de cette légèreté avec laquelle la séduisante Calpurnie s'est glissée sur les désagréments de cette vie? Accablé de mes sombres idées, dans la nuit obscure du passé, j'entrevois quelquefois une image chérie qui me sourit avec douceur, mais elle disparaît aussitôt et me laisse mille fois plus malheureux encore. Je veux t'en parler, Phocion. Ce doux souvenir soulagera quelques instants mon âme oppressée. J'étais encore enfant et longtemps avant que mon père m'eût confié à tes soins. Nous avions pour voisin Timanthias, un noble citoyen de Nicomédie, revêtu d'une des premières charges de l'État. Mon père et lui étaient amis, comme on l'est généralement. Ses enfants étaient nos camarades de jeu. Je tenais de ma mère, qui mourut à la fleur de l'âge, une constitution faible, une humeur douce et tranquille qui m'empêchait de prendre part aux jeux fatigants de mes frères et des fils de Timanthias. Sa fille unique, Larissa, ne me quittait point. Son cœur sensible trouvait du plaisir à ne pas me laisser seul. Elle jouait avec moi, ou elle tâchait d'engager les autres à choisir des jeux moins fatigants. C'est ainsi qu'elle me soignait, qu'elle m'aimait, qu'elle remplissait mon cœur de la plus tendre reconnaissance et d'un attachement qui s'augmenta avec les années. Nous n'étions plus enfants, mais notre amour réciproque conserva toute la pureté, toute l'innocence de l'enfance, quoiqu'il eût tout le feu, toute la vivacité de la jeunesse. Le sort, comme un ennemi cruel, vint alors nous séparer. Timanthias fut accusé d'un crime d'État et jeté dans un cachot. Je n'ai jamais su s'il était vraiment coupable, ou si ses grandes richesses convoitées par le proconsul Assicéna Statilius furent le motif de cette accusation. Mon père rompit tout commerce avec sa famille. Je ne pus voir Larissa qu'en secret. Nous nous donnions rendez-vous près de la haie qui séparait nos jardins. Cette contrainte, ce mystère et les chagrins de ma jeune amie ajoutèrent encore à notre inclination mutuelle. Enfin, après 15 jours de détention, Timanthias fut exilé avec sa famille. Quoiqu'il eût, dit-on, dans son jugement, mérité la mort. Tous ses biens furent séquestrés. Sicéna Statilius acheta sa maison à vil prix, et mon père entretint le même commerce d'amitié et de voisinage avec ce nouveau possesseur. Mais il lui fut impossible de me persuader de retourner dans cette demeure où chaque place me retraçait ma chère Larissa. Cette opiniâtreté de ma part, ainsi qu'on se plut à nommer ma fermeté, fut la première cause de la division qui se glissa entre mon père et moi. Depuis lors, Phocion, 8 années se sont écoulées sans qu'il m'ait été possible de rien apprendre de Timanthias et de sa famille. J'ignore si Larissa est heureuse, si elle m'a conservé sa foi, ou si elle a donné son cœur et sa main à un autre. Que dis-je, hélas? J'ignore si elle existe encore et j'en doute, puisqu'elle ne m'a pas donné de ses nouvelles. L'amour s'est bravé tous les obstacles, employé tous les moyens. Cependant, il aurait dû aussi me faire découvrir la retraite ou le destin de Larissa. Toutes mes perquisitions ont été inutiles, mais son souvenir est gravé au fond de mon cœur et ne s'en effacera jamais, quoiqu'il ne me reste aucune expérience. Adieu, Phocion, plains ton malheureuse élève.